Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prières, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Auditrices et auditeurs de la vie, bonjour, bienvenue dans la seconde tranche de la réception de nos invités. Hervé Ntakbe nous conduit du côté de la console et au microphone Pélagie Nguesson. L'Église Ambassade des Miracles organise sa cinquième convention internationale et nous recevons le frère Bogui Ebenezer. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous sommes là ce matin pour vous faire part d'un événement qui concerne l'Église Ambassade des Miracles. Il s'agit de la cinquième convention internationale de l'Église qui va se tenir du 29 octobre au 3 novembre 2019. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va meubler cette convention? Qu'est-ce qui va s'y passer concrètement? Alors, en matinée, nous aurons les sessions du matin de 9h à 13h où on aura essentiellement des enseignements et le soir, des temps d'impact qui débuteront à 17h pour finir à 21h. D'accord. Qui sont concernés par cette convention? Alors, d'abord, les chrétiens de l'Église Ambassade des Miracles qui vont venir de différentes contrées. D'accord. Et aussi tout le corps de Christ, tous nos frères et sœurs qui, d'Abidjan et qui sont partout, que nous voulons aussi convier à cet événement. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre pour y être? En fait, il faut simplement dire qu'il faut simplement se rendre aux deux plateaux. D'accord. Au carrefour d'Incan, à la descente du zoo sur votre droite, où vous ne manquerez pas de retrouver l'Église. Et on l'a pris dans Genèse 12, verset 2, où Dieu disait à Abraham, « Je rendrai ton nom grand ». C'est cela le thème que nous allons débattre. D'accord. Et qui seront les orateurs? Les orateurs, nous aurons en premier le bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui est le fondateur de l'église. D'accord. Son épouse, pasteur Tania Ouattara, connue sous le nom de Maman Tania. Mmh. Et nous aurons du Congo le pasteur Moïse Mbillé, qui viendra en tant que pasteur et chantre aussi. D'accord. Un appel à lancer à l'endroit de tous ces auditeurs? Alors, nous prions tous nos auditeurs à faire le déplacement massivement pour être présents ce jour-là. Le thème qui est très évocateur, « Je rendrai ton nom grand ». Dans Genèse 2, verset 2, quand Dieu parla à Abraham, Dieu a pris Abraham de rien. Il a récupéré Abraham de sa famille et lui a donné un nom grand à faire d'Abraham le père d'une grande multitude. Nous prions nos frères de venir massivement, pour qu'ensemble, à cette fête, que le Seigneur, par sa grâce, puisse étendre, élargir nos limites pour que nous puissions aller de gloire en gloire, pour que nous puissions aller de l'avant. D'accord, on va laisser les contacts. Le contact du call center est le plus 225 59 200 200. Le plus 225 59 200 200. Merci à vous. Merci à vous. Excellente convention. Merci. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Nous nous tournons vers Madame Tiambi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la rentrée scolaire 2019-2020 du groupe scolaire Béthanie Miracle. Bonjour encore à vous. Bonjour chers auditeurs de la radio de la vie. Nous sommes là ce matin encore pour vous parler du groupe scolaire Béthanie Miracle. D'accord. Le groupe scolaire Béthanie Miracle est une école laïque qui a été fondée par Monsieur et Madame Akéo. D'accord. Soucieux de l'éducation des enfants, ils ont décidé de mettre sur pied une école. D'accord. Et cette école a commencé doucement, timidement, avec 3 classes, c'est-à-dire de la maternelle au primaire. D'accord. On a commencé avec 3 classes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec les enseignants expérimentés, qualifiés, et avec un enseignement aussi de qualité, nous sommes aujourd'hui à plus de 3 classes, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'au CM2. Les classes du primaire sont à base 2, d'accord, c'est-à-dire CP1A et CP1B et jusqu'au CM2. D'accord. Et nous avons une petite particularité aussi, à la maternelle, à la grande section, nous avons la maternelle, c'est-à-dire la grande section A et la grande section B aussi. D'accord. Et il faut dire qu'au groupe scolaire Béthanie Miracle, nos fondateurs étant des chrétiens, nous avons aussi l'occasion d'apporter la parole de Dieu à nos enfants que nous avons à charge d'éduquer. D'accord. C'est très important pour nous de parler du Seigneur aux enfants, car tout part de la base. Si l'enfant a reçu Jésus depuis la base, je crois qu'il va bien grandir et il va faire de bonnes choses quand il sera grand. Tout à fait. Alors, et vous êtes situé où? Nous sommes situés aux deux plateaux. Deux plateaux quand vous quittez Abobo ou bien quand vous quittez Adjamé, vous descendez au carrefour de Plateau. D'accord. Et quand vous descendez au carrefour de Plateau, vous montez la côte, arrivez au deuxième carrefour, vous rentrez à droite. Et nous sommes situés à 50 mètres de la clôture d'Agon Gendarmerie. Je voudrais préciser que nous avons une cantine au sein de l'école. Nous avons aussi un car de transport qui part du camp Agon Gendarmerie et qui se termine, je veux dire qu'il va aussi à Mobile, c'est-à-dire du camp Agon Gendarmerie. Il arrive aussi à prendre les enfants à Mobile de Plateau. D'accord. Et nous avons aussi, depuis 2 ans, une crèche, une garderie. Donc, les parents, aujourd'hui, tout le monde court. Hein? Tout à fait. Tout le monde court et le problème des servantes est un peu difficile. Donc, nous avons pensé aux parents pour mettre sur pied cette garderie-là. Alors, vous recevez les enfants à partir de combien de mois? À partir de 9 mois. D'accord. Nous avons les enfants à partir de 9 mois. Vous pouvez déposer vos enfants. Nous avons des mamans, nous avons des maîtresses équipées, qualifiées pour s'occuper de vos enfants. Nous voulons vous dire de ne pas vous inquiéter, en tout cas. D'accord. C'est des mamans qui ont l'amour maternel. C'est ça. Pour s'occuper aussi des enfants. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez déposer vos enfants. D'accord. Voilà. Alors, on va laisser les contacts pour tous ceux qui voudront avoir plus, de plus amples informations. OK, les contacts sont le 03, le 65, 90, 79. 03, 65, 90, 79. Et le 41, 27, 61, 85, 41, 27, 61, 85. Merci. Que Dieu vous bénisse et nous vous attendons toujours. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. La mission évangélique La Restauration, en abrégé MEREST, organise le Midi de Feu et nous recevons l'évangéliste Michel Seri. Bonjour. Bonjour, maman Pélagie. Merci de me recevoir maintenant. Alors, quelles sont les nouvelles du côté de la mission évangélique La Restauration? Ben, nous voulons d'abord commencer par saluer tous les fidèles auditeurs de la radio de la vie et leur transmettre la salutation aussi de Papa Moncouya pour Paul Serge. D'accord. Alors, quand vous entendez Michel Seri, il s'agit de Midi de Feu. Midi de Feu, c'est un temps fort de prière, d'enseignement, de combat spirituel, de restauration. Entre midi et deux, hein, c'est-à-dire de midi à 14h, pour tous nos frères et sœurs qui sont dans les environs, qui ont la permission de descendre à midi, nous les invitons à venir nous rejoindre à ces temps forts-là, consacrés, n'est-ce pas, 2 heures dans la présence de Dieu, c'est bénéfique pour chacun de nous. Alors, le sous-thème, n'est-ce pas, qui va nous accompagner pendant cette semaine, j'ai plusieurs raisons. J'ai plusieurs raisons pour dire quoi? Il y a 3 points de suspension là. Hein. D'accord. J'ai plusieurs raisons et puis on met un point de suspension. Tes raisons ne sont pas mes raisons. Évidemment. Chacun a ses raisons. Quelle est ta raison, la raison qui te pousse à venir à nous veiller au temps de prière? Quelles sont les raisons qui te poussent à prier? Et la Bible dit quoi? Au temps de David, il eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de Dieu. Oui, il y a une situation. Ça l'a amené à formuler un sujet de prière. Oui, la mairie, c'est une plateforme où on vient apprendre le combat spirituel. D'accord. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas sommeil ou on n'a rien à faire qu'on veille tous les vendredis. C'est parce que nous avons plusieurs raisons. D'accord. Alors, vous êtes situé où? Nous sommes à Cocody, 2 plateaux, en face du restaurant BMW, dans le quartier de l'église catholique Saint-Jacques. Alors, ce moment de prière, c'est juste pour tout à l'heure, hein? Sous le coup de midi. Bien-aimé, il ne faut pas manquer. Si tu as une raison qui te pousse à prier, viens nous rejoindre. C'est ce qu'on appelle la cause à effet. C'est-à-dire, ce qui nous arrive là, peut-être que ce n'est pas tout. On ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais la plupart de ce qui nous arrive a une cause, a une histoire. Bien-aimé, il faut que ça soit pour toi une raison de prier. Nous avons dormi jusqu'à aujourd'hui encore, on continue de louer maison. On dit que ce n'est pas normal. C'est une raison qui doit nous pousser à nous réveiller. Veiller une fois dans la semaine, ce n'est pas trop. Les gens trouvent que oh, vous veillez trop. Toi, tu ne veilles pas là, tu as eu quoi? Bien-aimé, viens nous rejoindre à la prière. Faut pas regarder les autres qui disent que oh, ceux-là, ils voient des démons partout. Vous n'avez pas la même histoire. Pendant qu'il dit ça, là, lui roule carrosse. Toi, tu marches. Et puis, tu écoutes ce qu'il dit. Chacun de nous a des raisons. Que ta raison se transforme en sujet de prière. Viens nous rejoindre. Alors, qui seront les orateurs? Votre serviteur, l'évangéliste Michel Seri. et le pasteur Narcisse Wally. Mais pour l'occasion, ce vendredi, notre papa Amonkou Yapopolsé sera là ce vendredi-là. Parce que vendredi qui vient, c'est le quatrième vendredi du mois, on ne veille pas. D'accord. Mais on sera là à midi. Donc cette semaine, c'est mardi midi, mercredi midi et vendredi midi avec papa Amonkou Yapopolsé pour le vendredi. D'accord. Les contacts pour plus d'informations. Nous sommes au 05 01 56 42, 05 01 56 42 ou le 01 54 83 80. Bien-aimé, viens nous rejoindre, tu vas prier au lieu de distribuer des sujets de prière partout. Viens, toi-même tu vas prier pour toi. Shalom. Shalom. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Nous recevons Madame Mo Chantal, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la clinique de délivrance qu'organise Maëv. Bonjour auditeurs de la vie. La mission apostolique L'heure est venue, Maëv, est là pour vous annoncer que la clinique de ce mois d'octobre, la clinique de délivrance aura lieu du 25 au 27. D'accord. Alors quelles sont les dispositions à prendre pour être à cette clinique de délivrance? Pour être là, il faut, la clinique commence le vendredi à partir de 18h, tout le monde entre. Donc toute la journée, il faut jeûner. D'accord. Et avant d'entrer, vous rompez. Et nous serons là durant 3 jours pour des prières de proclamation des délivrances. Alors, quel thème vous utiliserez pour enseigner le peuple de Dieu? La particularité de cette clinique de délivrance, c'est que nous la faisons à 3 niveaux. Ok. Donc le premier niveau traite de tout ce qui est fondement. Il faut renverser les fondements, les anciens fondements, pour établir de nouveaux fondements. Le deuxième niveau parle de briser tout ce qui est alliance, pacte que nos parents et nous-mêmes avons passé. Et le troisième niveau parle d'ouvrir les portes de notre destinée, de libérer la gloire de notre destinée. Et donc ça se fait sur 3 niveaux. Mmh. Et à ceux qui sont déjà inscrits le mois dernier, qui feront le deuxième niveau. Et ceux qui étaient là aussi feront le troisième niveau. Okay. Et ceux qui viendront pour la première fois feront le premier niveau. D'accord, donc c'est une continuité. C'est une continuité. D'accord. Alors, qui sera l'orateur? L'orateur principal, c'est l'apôtre Emeka, qui sera aidé de ses collaborateurs. D'accord. Vous êtes situé où? Nous sommes situés à Bata, Nouveau Goudron, au carrefour de l'école Primus, ou après le feu de Faya, carrefour Winner Chapel. Et nous sommes là. On peut nous appeler, et ceux qui ne connaissent pas très bien le lieu, ils peuvent nous appeler et nous viendrons les chercher. D'accord. Alors, cette clinique de délivrance, elle est gratuite ou il y a une contribution? Elle est payante, elle est à 5 000 francs. D'accord. Par personne? Par personne, oui. D'accord. Alors, on va laisser les contacts pour plus d'informations. Alors, pour plus d'informations, vous nous appelez au 05 05 87 42, au 02 11 16 08. Je reprends, 05 05 87 42 02 11 16 08. Nous recevions à l'instant Madame Mo Chantal pour nous parler de clinique de délivrance organisée par Maëv qui se tiendra du 25 au 27 octobre 2019. Et les contacts sont 05 05 87 42 02 11 16 08. Merci à vous. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Alerte Multiservice organise une formation sur la filière porcine et la culture de manioc. Et nous sommes avec M. Germain Kofi. Bonjour. Bonjour, vous, madame. Qu'est-ce que le corps de Christ doit savoir de plus? De bonnes nouvelles toujours pour le corps de Christ. Alors, certainement que vous n'avez pas eu l'occasion de participer à la toute première édition de la conférence sur l'élevage de porc en Afrique. Une occasion vous est donnée. Alors, nous relançons cette formation qui... D'accord. Il va se tenir le samedi 7 décembre et le 14 décembre 2019 de 8h à 17h au centre de publication évangélique CPE, donc dans la cour même de Fréquence Vie. Alors le samedi 7, ça sera la formation sur quoi? Le samedi 7, c'est la formation sur la filière porcine et le sous-thème, bon, le thème central, c'est, disons, l'agro-pastoral, socle de l'économie de l'avenir. D'accord. Alors, le premier sous-thème qui sera développé, c'est le samedi 7 décembre, c'est Comment réaliser à succès une pocherie moderne? Notre formateur, on le connaît déjà, M. Esso Christophe, qui nous viendra encore du Bénin, qui va développer ce thème, décliné, n'est-ce pas, en trois modules. Voilà, et ces trois modules sont aussi consignés en 22 chapitres que nous allons étudier pour pouvoir apprendre toute la technicité nécessaire pour pouvoir réaliser une pocherie dite moderne. D'accord, et le samedi 14? Et le samedi 14 décembre, c'est la culture donc, du manioc. Le thème, c'est, disons, l'atout économique, n'est-ce pas, de la culture du manioc. D'accord. On se dit, partout, on met le manioc, ça pousse. Oui, on peut mettre le manioc peut-être dans du sable ou encore du sable à construire, ça va pousser. Mais est-ce que vous aurez la rentabilité? Voilà, quand il s'agit de parler de tonnage. Alors, sur une superficie, je dois savoir que le manioc doit pouvoir me rapporter soit minimum 15, maximum et extrême 60 tonnes par hectare. Mais que faire? Quelle technique je dois utiliser pour pouvoir atteindre cet objectif? Cela passe par une formation. D'accord. Alors, quelles dispositions prendre pour être à cette formation? Pour prendre part à cette formation, la première disposition à prendre, c'est de se rendre ici à la radio Fréquence Vie pour s'inscrire, prendre son ticket. Oui, ce qui est bien, il faut bien faire aussi des choses. Donc, venez vous inscrire au préalable à la radio Fréquence Vie sur le coût de 35 000 francs CFA. Le coût de la formation, une formation coûte 35 000 francs, les deux formations 50 000 francs. Quand vous avez rempli ces conditions, vous êtes apte à prendre part à la formation le jour J. Et qui se tiendra au CPE, dans la même cour que la radio Fréquence. Bien sûr, bien sûr. Alors, un appel à lancer avant les contacts. Je veux dire à l'ensemble du corps de Christ, il est temps pour nous de nous lever. D'accord. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on pense que ce sont les autres qui peuvent le faire et que nous, cela, la porte nous est fermée. Loin de là. Tout le monde peut être entrepreneur. Il n'y a pas d'entrepreneur né. Tout part d'un objectif, d'une idée que vous allez prendre, accompagné, n'est-ce pas, d'une volonté. Et voilà que le succès peut vous accompagner. Donc, venez apprendre au pied de ceux qui ont déjà, n'est-ce pas, une expérience dans le domaine. Et c'est cet appel que nous lançons. Vous pouvez nous joindre à ces deux contacts. Allez-y. Prenez bien note. Le 09 00 88 12. Je reprends. Le 09 00 88 12 et le 40 04 12 95. Le 40 04 12 95. À nous revoir à cette géante formation. Merci à vous.